et divers, frère. Serre 2007, hey, mal ou pas, ça, yeah. Dans le rap français, trop de mythos. Dans la six, j'bosse à mi-temps. J'suis pas le troupeau des moutons. Dehors, le mauvais œil m'attend. J'lâche mon haleine de mutant. Tant mieux si tu m'entends. J'vends mes skeux dessous le manteau. J'vais te descendre tout en montant. J'vis avec mon temps. J'ai le flow si à métaux. Aiguisé et ma dent. Ton rap a usé ma tente. La France, c'est ma teinte. J'la baise avec le barreau du matin. Un, c'est le montant. J'suis pas sur la vie de ta race en mentant. C'est un cache-bras, cache pas. Ici, le cache-bas. Hommage pas nos mots. Demande à Chino. C'est un hommage à tous nos morts. 91 Long Beach, pillage. Au max, c'est un pillage. Avec la cagoule comme un pillage. J'marche tout travers comme un pirate. L'instru, j'dérobe. J'ai le tri dans ma garde-robe. Ici, on nous catalogue. J'sais pas où me situer sur cette garde-robe. J'paiera pour mes sisters, respectables pucettes. Qui sert, paiera pas pour celles qui ont un trou du cul de zèbre. Pour mes smokers qui pètent un cap quand ils sont plus zèbres. Pour les gosses placés en scène. Moi, sur la police, je cède. 2007, même les campagnards niquent les ch'tards. 2007, même les rappeurs veulent devenir popstars. Fait divers, j'te balance divers sons en plus petit version. Quand les keufs pointent, fait diversion. Mais fait divers, si si la famille on lâche pas le steak. Handek, j'ai laissé la pitié dans les backstage. Mais fait divers. Mais fait divers. C'est les rats MDB. Mais fait divers. C'est les rats OCB. LAMS, LAMS, Chino, Renault, ah, ah, fait divers, fait divers.